بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. فالحمد لله على ما من به علينا من هذه اللقاءات لتذكير بعضنا البعض بما فيه خير ديننا ودنيانا. Donc, ceci dit, la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblés de ces assises pour se rappeler les uns les autres et pour se rappeler mutuellement ce qui est profitable pour nous dans notre bas monde et dans notre delà et dans notre religion. وبداية أود أن أشكر كل من كان سببا من قريب أو بعيد في هذه اللقاءات. Et au début, mes remerciements sont pour toutes personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ces rencontres. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في هذه الدولة العلوية التي تتيح الفرص للتعاون على البر والتقوى. وأسأله عز وجل أن يجعلها في موازين حسنات ولاة أمورنا وأن يحفظ بلادنا راع ورعية من كل سوء ومكروه. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de par ses sublimes noms et de par ses attributs qu'il bénisse cet état et cette dynastie alawite qui permet et qui donne des occasions à ses enfants pour s'entraider dans le bien et dans la piété. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tout ceci soit dans la balance de nos autorités et que Allah subhanahu wa ta'ala protège ce pays, gouverneur et gouverné, de tout mal. Fa frérona, ayu al-ikhwatu al-hudur, al-kalimatu fi hadi al-umsiya, insha'Allah takunu hawla manhaj al-imam Malik rahimahullah ta'ala. Fa manhajuhu rahmatullah alayh هو منهج أهل السنة والجماعة، فهو القائل رحمه الله تعالى فيما أخرج أبو نعيم في الحلية عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالكا يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن منهج الإمام مالك رحمه الله هو المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وهو القائل رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا باقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وهذا يدلنا على أن منهج الإمام مالك هو منهج أهل السنة، والجماعة. Et donc, frère, Allah subhanahu wa ta'ala, mon rappel aujourd'hui concernera la voix de l'imam Malik rahimahullah. Et la voix de l'imam Malik rahmatullah alayh, c'est la voix des gens de la sunna et de ceux et de l'unité et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. C'est lui qui a dit, dans ce qui est rapporté par Abu Nu'aym dans le Hilya, de Mutarraf ibn Abdillah, qui a dit: j'ai entendu Malik, rahimahullah, dire: le messager d'Allah était, ainsi que les khalifs, hommes de science bien guidés, après lui étaient sur une voie. Prendre cette voie, c'est suivre le livre et compléter l'obéissance à Allah. Et c'est une aide dans la religion d'Allah. Personne n'a le droit de la changer ni de la modifier, ni de chercher ou regarder les voies qui sont en contradiction avec celle-ci. Celui qui la prend, il sera guidé. Celui qui cherche le triomphe par cette voie triomphera. Et celui qui la délaisse sera dans une autre voie que la voie des croyants, et Allah lui fera l'alliance avec ceux avec qui il s'est allié, et sa demeure sera Jahannam. Et quelle mauvaise demeure. Et كل ما ستسمعون يا إخوة الإسلام في هذا المجلس والذي يليه إن شاء الله كما لا يخفى على شريف علمكم ما هي إلا نقولات عن أهل العلم رحمة الله على الأموات ونفعنا الله وإياكم بعلمهم وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Donc tout ce que vous allez entendre faisant Allah سبحانه وتعالى lors de ces assises ne sort pas, comme il n'échappe pas à votre connaissance, ne sort pas des paroles d'hommes de science. Qu'Allah couvre de sa sainte miséricorde les morts et qu'il allonge la vie des vivants dans son obéissance et qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui entendent la bonne parole et qui la mettent en application. Imam Malik, rahimahullah, aussi a dit que la fin de cette communauté ne sera réformée dans le bien que par le biais qui a réformé son début. Et ceci prouve, et ceci on ne le saurait l'atteindre qu'en suivant la trace du messager alayhi salatu salam et de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Ces textes et ces paroles de l'imam Malik rahimahullah prouvent que la voix de l'imam Malik c'est la voie d'Ahl Sunnah ou Jama'a. C'est la voie des gens de la Sunnah et de l'unité. Qui était sur la voie du messager alayhi salatu salam et de ses nobles compagnons. Donc parler de la voie de l'imam Malik, c'est parler de la voie des gens de la Sunnah et de ceux qui sont unanimes sur la Sunnah. Fa Allah subhanahu wa ta'ala kana an-nasu قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلح فجاء معه الحق وزهق الباطل جاء معه الهدى وجاءت معه الحياة وجاء معه العدل ومحى الله به الشرك أرسله الله جل في علاه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بشيرا لمن آمن به ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته ففرق الله به بين الحق والباطل فهنا الله سبحانه وتعالى avant l'envoi de محمد عليه الصلاة والسلام les gens étaient dans une ignorance totale, associationnisme, injustice et un égarement total. Et un égarement total les aveuglés. Allah a envoyé la plus noble des créatures, Muhammad alayhi salatu salam, à une période dépourvue de messager alayhi salatu salam, afin qu'il redresse la communauté déviante, que les membres de celle-ci, de cette dernière, disent « La ilaha illallah ni din d'être adoré qu'Allah ». Ainsi, ils obtiendront la réussite. Ce messager, alayhi salatu salam, est venu accompagné de la vérité et de l'anéantissement du faux. Il est venu avec la guidée, la vraie vie, la pudeur et la justice. Par son biais, alayhi salatu salam, Allah a anéanti le polythéisme. Allah l'a envoyé par miséricorde pour les mondes, en tant qu'annonciateur et avertisseur. Annonciateur pour quiconque croirait en lui et avertisseur pour quiconque obstruerait sa voix et lui désobéit. قال عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Donc il est dit dans le verset cité ici dans la traduction approximative du sens du verset: Ô gens du livre, notre messager vous est certes venu vous exposant beaucoup de ce que vous dissimuliez du livre, et passant bien sûr sur d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, Allah guide le chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait diriger vers la lumière par sa grâce, et il les guide vers une voie droite. قال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين في تفسيره عند هذه الآية قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به يبين الحق انتهى كلامه رحمه الله تعالى الإمام des exégètes par excellence, Abu Ja'far Tabari rahimahullah, a dit dans son exégèse, lors de l'explication de ce verset cité ici, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Il vise par cette lumière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par qui Allah a illuminé la vérité et par qui il a fait apparaître l'islam, et par qui il a anéanti le polythéisme, et il est une lumière pour quiconque aura cherché à s'éclairer par lui, et c'est par ce prophète qu'Allah a fait apparaître la vérité. Ici s'arrêtent les paroles de Tabari rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa askanahu fasiha jannatih. Wa rawa at-Tirmidhi fi al-Jami' wa al-Shama'il wa Ibn Majah fi as-Sunan bi isnad sahih عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفني حتى أنكرنا قلوبنا يقول الألباني رحمة الله عليه في تعليقي على مختصر الشمائل المحمدية للترمذي وهذا التعبير تعبير عن اللوعة بفقد سيد المرسلين وشدة تلك الساعة عليهم حتى أنكروا أنفسهم من شدة حزنهم على فراقه صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي الترمذي a rapporté ainsi que ابن ماجه et d'autres الترمذي l'a rapporté dans ses sunan dans son jami' ainsi que ابن ماجه. Il l'a rapporté dans Shama'il Muhammadiyya aussi, Tirmidhi. Rapporté le hadith d'Anas qui a dit « Le jour de l'arrivée du messager d'Allah à Médine, toute chose s'illumina, tandis que le jour de sa mort, tout s'y assombrit. Et au moment où nous étions en train d'enterrer le messager, nous avons réprouvé nos cœurs. » L'Albani, rahmatullah alayh, commentant ce passage, il dit cette expression exprime le sentiment de détresse dû à la perte du plus noble messager alayhi salatu salam, et que c'était un dur moment à tel point qu'ils réprouvèrent leur propre personne suite à l'énorme tristesse qui les a envahis à cause de cette séparation et à cause de l'interruption de la révélation. وبعد هذا التمهيد كما قلنا الكلمة عنوانها واسع منهج مالك رحمه الله. Et après cette introduction, le discours est vaste, comme nous l'avons dit, la voix de l'imam Malik, qui n'est autre que la voix des gens de la Sunna. فالمنهج كما لا يخفى على شريف علمكم هو السبيل والطريق الواضح والخطة المرسومة الواضحة التي يجرى عليها للوصول إلى معرفة ما. والمراد به هنا في المصطلح الشرعي هو السبيل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن كنيفو دو تيرم المنهج ou le minhaj, qui veut dire la voie, comme vous le savez, c'est le chemin, c'est le chemin clair ou le plan tracé clairement par lequel on arrive à une connaissance quelconque. Mais ce qui est voulu au niveau de la terminologie et au niveau du lexis religieux, c'est la voie sur laquelle était le prophète alayhi salatu salam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Wa amma as-sunna fa lughatan at-tariqa والسيرة وتكون بمعنى الطريقة المسلوكة في الدين وتكون كذلك في مقابل البدعة والمراد هنا بأهل السنة أصحاب السبيل المسلوكة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين وهي الطريق والمنهج الذي سلكه الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي أثر عنه القولة المشهورة السنة سفينة نوح ومصداقها في قول نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Quant au terme les gens de la sunna ici c'est la voie dans la religion. Il vient aussi dans le sens contraire de l'innovation. Pour comme opposition à l'innovation. Mais ici, ce qui est voulu avec le terme al-sunna, ce sont les gens de la voie sur laquelle était le messager alayhi salatu salam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et c'est la voie qu'avait pris Imam Malik rahimahullah, dont la parole célèbre était la sunna, c'est l'arc de Noé alayhi salatu salam. Celui qui le prend, il sera sauvé. Donc celui qui prend la sunna et qui l'a mis en application sera sauvé. Et cela, cette parole de l'imam Malik rahimahullah est prouvée par la parole de notre prophète alayhi salatu salam dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya. Quand pouvenez-vous à ma sunna et à la sunna des khalifs bien guidés. Amma al-jama'a fahum qawmun ijtama'u ala amrin ma. والمراد هنا المجتمعون على اتباع منهج السنة النبوية وأئمة الدين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Quant au terme de l'unité ou le groupe, ce sont des gens qui sont réunis sur quelque chose. Mais ce qui est voulu ici, c'est ceux qui se sont réunis sur le suivi de la voie prophétique et qui sont les compagnons et les grands imams de cette communauté et tous ceux qui les suivent à la perfection jusqu'à la fin des temps. Wa li ahli sunnati wal jama'a usul wa mumayyizat wa lahum manhaj khas bihim. Wa hadhihi al usul wa hadhihi al mumayyizat mabtuta fi kutub ahli al ilm ka kutub ibn Taymiyyah rahimahullah wa ibn al Qayyim wa fi risalat ibn Abi Zayd al Qarawani wa fi kitabih al Jami' وابن زيد القيرواني هو الذي يسميه العلماء الإمام مالك الصغير وكذلك مبتوتة في كتب ككتاب وصول السنة لابن أبي زمنين وغيرهما من كتب أهل العلم وجمع أحد طلاب العلم المعاصرين أصول ومميزات أهل السنة والجماعة من خلال كل ما كتبه الإمام ربيع السنة حفظه الله وهذا كتاب مطبوع في مجلد المتوسط عند دار الميراث النبوي. Et les gens de la sunna ont des choses avec lesquelles ils sont distingués. Ils ont leurs particularités et leurs voies et des fondements. Leurs fondements et leurs particularités sont éparpillés dans les livres d'hommes de science comme Ibn Taymiyyah, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, et aussi chez certains grands hommes de science de la voie malikite, qui est Ibn Abi Zayd al-Qarawani, que vous connaissez, que les hommes de science appellent l'imam Malik, le petit imam Malik, petit dans l'âge, mais pas dans la science, hein, était une monture au niveau de la science de son époque, rahmatullah alayh. Et dans son livre aussi, le Jami', et aussi dans le livre d'un une pointure au niveau de la science malikite, au sol sunna ibn Abi Zamanayn, et d'autres livres parmi les livres d'hommes de science comme les livres de l'imam Ahmed et d'autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. Un certain demandeur de science contemporain a réuni les fondements et les particularités des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna à partir de tout ce qu'il a écrit l'érudit et l'imam Cheikh Rabi' Hafidhahullah. Et ceci est compilé dans un volume moyen. Il est édité par la maison d'édition Dar al-Mirat al-Nabawi. Wa ahlu sunnati wal jama'a كما لا يخفى على شريف علمكم لهم أسماء أخرى دل عليها الكتاب والسنة وجرت في كلام أهل العلم فهم أهل الحديث وأتباع السلف وأهل الأثر والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وكل هذه الأسماء لمسمى واحد وهم كل من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين Les gens de la sunna, Ahl sunna wal jama'a, ont d'autres noms prouvés par le livre et par la sunna du messager alayhi salatu wassalam et utilisés dans les écrits, dans les paroles d'hommes de science, que ce soit les contemporains ou les anciens. Tels Ahlul Hadith, les gens du Hadith, Atba' al-Salaf, les disciples du Salaf ou les Salafis, Ahlul Athar, ceux qui suivent la trace, ceux qui suivent les preuves, le groupe victorieux, le groupe sauvé, tous ces noms désignent une seule chose. Ils désignent ceux qui sont sur la voie sur laquelle était le messager alayhi wasalam, ses compagnons, et ceux qui les suivent à la perfection à n'importe quelle période et dans n'importe quel pays. Et les hommes de science disent, plus une chose a beaucoup de noms, plus il est importante, plus il a du mérite. Wa dalilu hada as-sabil wa hada at-tariq wa hada al-minhaj fi qawli 'azza wa jalla wa illa fa ayat katira fi hada al-bab. قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال العلماء رحمهم الله تعالى وسبيل المؤمنين أول ما يصدق على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فالخروج عن طريقهم تباع لغير سبيل المؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي La preuve pour cette voie et pour ce منهج il est dans le verset sinon il y a beaucoup de versets qui le prouvent ce verset dans la traduction approximative nous dit ceci celui qui prend un autre chemin que le chemin du messager عليه الصلاة والسلام Après avoir reçu les preuves et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera Jahannam, et qu'il mauvaise demeure. Et la voix des croyants ici, dans ce verset, comme disent les hommes de science, désigne en premier lieu la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim. Sortir de leur voie, c'est quitter et délaisser la voie des croyants. Et notre messager, alayhi salam, avait dit aussi dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, « Cramponnez-vous à ma voix et à la voix des khalifs bien guidés après moi. » وَلِذَلِكَ جَاءَتْ تِلْكُمُ الْكَلِمَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهِ لَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا فَصَلَاحُنَا وصلاح من بعدنا لا يكون إلا باتباع سبيل المؤمنين وهو السبيل الذي ورثه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله وورثه التابعون لأصحاب رسول الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا إلى يوم الدين وهذا المنهج هو الذي كان يقرره الإمام مالك رحمه الله تعالى إيه C'est pour ça qu'il a été rapporté de l'imam Malik cette célèbre parole: la fin de cette communauté ne sera réformée dans le bien que par le biais de ce qui a fait la réforme de son début. Et donc, notre réforme dans le bien et la réforme de tous ceux qui viendront après nous ne peut s'obtenir qu'en suivant la voie des croyants, qui est la voie que le prophète alayhi salam a laissé en héritage à ses compagnons. Et les compagnons l'ont laissé en héritage à leurs successeurs, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Et c'est vers cette voie qu'orientait l'imam Malik rahimahullah et tous les grands hommes de science dignes de cette voie. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهذا حديث صحيح لغيره، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والآجر في الشريعة، رحم الله أئمة المسلمين. Et un autre hadith qui prouve que ça c'est la voie qu'il est obligatoire de suivre, le hadith de Muawiya ibn Abi Sufyan رضي الله عنه وارضاه. Il s'est levé un jour et a dit à l'assemblée autour de lui: certes, le messager d'Allah s'est levé et a dit: ceux avant vous parmi les gens du livre se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté se divisera en 73 groupes. 72 au feu et une seule au paradis. Al-Jama'a, l'unité. Et c'est un hadith qui est authentique par d'autres hadiths qui le renforcent. Et il est rapporté par l'imam Ahmed, par Abu Daoud, il parle à jour et dans le sharia. Que Allah subhanahu wa ta'ala comble de sa sainte miséricorde nos imams. وجاءت رواية أخرى تفسر معنى الجماعة. أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والحديث ذكره الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة، وذكر جملة من الأحاديث تشهد له. Et une autre version de ce hadith qui vient nous expliquer ce que c'est que le jama'a, le terme de le jama'a voulu ici. Dans ce hadith, dans ce qui est rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, d'Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar a dit que le messager alayhi salatu wassalam a dit: il arrivera à ma communauté ce qui est arrivé à Banu Israël. Papa, certes, Banu Israël se sont divisés en 72 groupes et ma communauté se divisera en 73, tous au feu sauf une. Ils ont dit: laquelle, ô messager d'Allah? Il a dit: ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons. Le hadith est cité par l'Albani rahmatullah alayh dans la chaîne des authentiques. Et il a, rahimahullah, cité un certain nombre de hadiths qui renforcent, ce hadith. Et qui l'élève au domaine du hadith Hassan. Et qui renforce aussi sa signification. Et donc ici on comprend dans ce hadith ce qu'il voulait dire par le jama'a. Le jama'a c'est quoi? Ou sawad al-a'zam, ou le jama'a, ça veut dire la voie sur laquelle était le messager alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons radhiyallahu anhum. Ça veut dire la vérité avec laquelle a été envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam. فالمقصود بأهل السنة والجماعة كل من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Et donc ce qu'il voulait avec les gens, le terme les gens de la sunna et de l'unité, c'est tout un chacun qui était et qui est sur la voie de Muhammad alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et ceux qui les suivent à la perfection jusqu'à la fin des temps. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى لأهل السنة والجماعة أصولا عظيمة يقوم عليها منهجهم منها إخلاص الدين لله عز وجل ومنها لزوم الجماعة والسمع والطاعة ومنها الحذر والتحذير من البدع والمبتدعين وهذه الأصول والركائز العظيمة لها أذلة كثيرة من كلام الباري سبحانه وتعالى ومن كلام سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. Et les hommes de science, après lecture des textes du Coran et de la Sunna, ont cité un certain nombre de grands fondements sur lesquels s'établit la voie de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. La voie d'Ahl Sunna ou Jama'a. Parmi ces fondements, l'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah. Le deuxième, rester dans l'unité et écouter et obéir au gouverneur qui le gouverne. Et c'est bien sûr, Oulat al-Amr sont de deux sortes. Il y a les hommes de science, de cette voie, de cette noble voie, qu'il ne faut pas sortir de leurs orientations, ni de leurs conseils, et d'être derrière eux, et ne jamais les dévancer. Et il y a aussi l'obéissance due à l'autorité musulmane. Et toutes ces obéissances se font dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième fondement important, faire attention aux innovations et aux innovateurs, et avertir contre les innovations et les innovateurs. Ces grands fondements sont argumentés par plusieurs preuves du livre et de la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Fa ta'ammal akhal islam hadha al hadith al mutawatir alladhi rawahu 20 sahabiyan radiyallahu anhum wa ardahum wa lahu alfaz mukhtalifa وخصصه العلامة محدث المدينة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى بدراسة خاصة واللفظ الذي خصصه بالدراسة هو لفظ زيد بن ثابت رضي الله عنه مجمعين قال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل في فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص الدين لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم الحديث الحديث عند الإمام أحمد وعند الترمذي وغيرهم إيه Nous devons méditer ce hadith, mutawatir, rapporté par plusieurs chaînes de transmission, et par mutawatir, c'est celui qui est rapporté par plus de 10 rapporteurs à chaque étape de la chaîne de transmission. Et donc, il a ce hadith, il est rapporté par 20 compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et avec des expressions différentes, Il est rapporté par Imam Tirmidhi dans le recueil de Tirmidhi, par d'autres, par l'imam Ahmad, etc. L'érudit, le muhaddid de Médine, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et allonge sa vie dans son obéissance, lui a réservé une étude spécifique. Et il a utilisé pour cette étude la version de Zayd ibn Thabit, que Allah subhanahu wa ta'ala agrée tous les compagnons. De Zayd ibn Thabit a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, Allah embellit l'homme qui entend de nous un hadith et qui le mémorise jusqu'à ce qu'il le transmette à autrui. Par le sevrant de celui qui a une science et qui l'a transmis à plus savant que lui, trois qualités. Le cœur du musulman ne peut jamais s'en détacher et s'en passer. l'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah, prodiguer le conseil au gouverneur, avec ses règles bien sûr, et ne pas quitter l'unité, car leur dua, le dua d'Yel Jama'a, les protège et les entoure. Fa هذه الخصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم. قال بعض أهل العلم لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاثة وبعضها. Ces trois qualités, ce sont des bases sur lesquelles s'accomplit la religion et le mondain des gens et le bas monde des gens. Certains hommes de science ont dit, les lacunes sont arrivées dans la religion des gens et dans leur bas monde à cause de la négligence de ces trois qualités ou de l'une d'entre elles. وَتَأَمَّ الْحَدِيثِ الَّذِي سَمَّاهُ أَهْلُ وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ لِلشَّرْعِ مُنَابَذَةٌ munabadatu al-bid'a wa ahliha. Il n'y a aucun doute que le fait de suivre la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi s'opposer et repousser et faire face aux innovations et aux innovateurs. Wa ta'ammal al-hadith alladhi sammahu ahlu al-ilm wasiyatu al-muwaddi' wa huwa hadithu al-irbad ibn Sariya alladhi yahfaduhu aktharukum aw kullukum insha'Allah ja'a fi akhirih وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا aucun doute que mettre en application la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi une opposition aux innovations et aux innovateurs. Et comme il dit ce grand hadith, ce hadith de l'Irbad ibn Sariya que beaucoup parmi vous, je crois tous, vous le mémorisez, certains hommes de science disent de ce hadith que c'est l'exhortation de celui qui fait ses adieux. À la fin de ce hadith, le messager alayhi salam a dit attention aux nouveautés, c'est-à-dire aux nouveautés dans la religion, car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement. Et tout égarement est voué au feu de l'enfer. فالأصل الأول من أصول منهج أهل السنة والجماعة هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى باتباع الكتاب والسنة وفق فهمي ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc le premier fondement parmi les fondements dans la voie des gens de l'unité et de la sunna, c'est l'accomplissement de l'adoration sincèrement pour Allah en suivant le livre et la sunna selon la voie et la compréhension des compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. وذلك بأن يعبد الله وحده دون ما سواه ولا يعبد إلا بما شرع وهذه حقيقة كلمة الإخلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والدين لا يصلح ولا يقوم إلا على هذين الأصلين العظيمين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأن هذا سيسأل الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون ماذا أجبتم المرسلين. Donc ceci s'accomplira par le fait que seul Allah doit être adoré et que le culte doit être voué uniquement pour Allah et qu'Allah doit être adoré parce qu'il a légiféré. Et c'est ça la réalité et l'accomplissement de la parole, de la sincérité qui est l'attestation de foi. Ni digne d'être adoré. J'atteste que ni digne d'être adoré qu'Allah et j'atteste que Muhammad est le messager et le serviteur d'Allah. Et le soumis et le messager d'Allah. Et la religion ne sera bonne que s'il est accompli sur ces deux fondements. Que seul Allah soit adoré et qu'il soit adoré qu'avec ce qu'il a légiféré subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, dans le suivi du messager alayhi sallatu wasalam, dans la sincérité, dans le suivi du messager alayhi sallatu wasalam. Et c'est avec ça qu'on arrive à être véridique dans notre attestation de foi. Et c'est sur cela que les premiers et les derniers seront questionnés. Qu'est-ce que vous avez répondu au messager alayhi sallatu wasalam? Qu'est-ce que vous avez adoré, c'est-à-dire dans ce bas monde? Et qu'est-ce que vous avez répondu au messager alayhi sallatu wasalam? Les premiers et les derniers devront répondre à cette question. C'est l'accomplissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le suivi et dans la sincérité. وهذا الأصل هو الذي يقوم عليه منهج أهل السنة والجماعة أو إذا شئت تقول هو الذي يقوم عليه دين السلفيين والذي يجب أن يقوم عليه دين المسلمين أجمعين تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى باتباع شرعه وفق ما جاء في الكتاب والسنة وفق منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أخرج ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن كثير بن عبد الله بن عمر بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عن الجميع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم Et donc, sur ce fondement doit s'établir, et sur ce fondement s'établit la voie des gens de la sunna et de l'unité ou la voie des salafis. Mais il est obligatoire que toute la religion et toute la voie des musulmans doit être établie sur ce fondement. Le fait en accomplissant la religion exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et en suivant le messager alayhi sallatu wasalam et en mettant en application sa législation conformément au livre d'Allah et à la sunna de son prophète alayhi sallatu wasalam selon la voie et la compréhension de le pur prédisseur d'Allah alayhi mais à leur tête les compagnons radiyallahu anhu wa ardahum. Al-Hafidh ibn Abd al-Barr rahimahullah, le mémorisateur du Maghreb, et quand on dit Maghreb, faut que ça vienne à notre esprit, le grand Maghreb, qui englobe l'Andalousie, hein, le Maroc, jusqu'au fleuve Saint-Louis à cette époque, et jusqu'aux frontières de la Libye. Ça, c'est le Maghreb. À cette époque, il était étendu dans cette étendue-là. Et quand on dit le même réalisateur du Maghreb, l'Hafidh ibn Abd al-Barr, ça veut dire toute cette contrée-là. Il a une grande explication de Muwatta de l'imam Malik. Et c'est une référence. Et c'est l'une des grandes Hassanas du roi Hassan II du Maroc parce que c'est l'édition qui est prise en considération, qui est une source pour les hommes de science, cette édition qui a été ordonnée par le roi Hassan II, rahimahullah ta'ala. Ibn Abd al-Barr dans le Tamhid rapporte de Katir ibn Abdillah ibn Amr Ibn Auf, qui le rapporte de son père, qui le rapporte de son grand-père. Son grand-père a dit, le messager a dit, je vous ai laissé deux choses. Vous n'allez pas vous égarer si vous vous y cramponnez. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wasalam. Wa mimma la shakka fih, anna man tamassaka bil kitab wa sunna, wa ma kana alayhi as-sahaba faqad hudiya. والصحابة كانوا أعرف الخلق بالكتاب والسنة فمن اتبع الكتاب والسنة وعلى فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد سلم. Et il n'y a aucun doute que celui qui se cramponne au livre et à la sunna, selon la voie des compagnons, il a été guidé vers la bonne voie. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu un grand bien. Les compagnons avaient la réelle et la vraie connaissance du livre et de la sunna et de leur mise en pratique. Celui qui suit le livre et la sunna selon leur compréhension et celle de leurs successeurs, il a été guidé et sauvé de la déviance. Et actuellement, pour nous, pour y arriver, il faut que nous soyons derrière les grands hommes de science dignes de cette voie, qui sont parmi les morts, Ibn Baz, rahmatullah alayh, le Uthaymin, Albani, Cheikh Mouqbil, rahmatullah al-Jami', parmi les vivants, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdel Mouhsin Al-Abbad, Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid. Il a listé longue, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie des vivants dans son obéissance et qu'il nous fasse profiter de leur science, parce que sortir de leurs orientations, de leurs conseils, c'est aller chercher sa perte. C'est devenir une proie aux ambiguïtés. C'est devenir une proie à tout beau parleur qui existe sur terre. Et c'est se faire avoir et c'est dévier de la voie que nous demandons chaque jour dans nos prières, guide-nous sur la voie droite. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim. Pour être ferme sur cette voie, et pour rester stable dans cette voie, il est obligé qu'on se penche et qu'on écoute ces grands hommes de science. Parce que impossible de rester ferme sur cette voie, et se stabiliser sur la voie, en écoutant du Sayyid Qutb, en écoutant de l'Banna, en écoutant, les clowns de sur la scène de la da'wa et ainsi de suite. Abadan. Des clowns, il y en a. Mais on est obligé de revenir à ces dignes de la communauté et à être derrière eux. Et ceux qui ont les moyens pour aller prendre la science, c'est ceux qui sont vivants. C'est un grand bienfait. Et c'est un chemin vers le paradis, comme il a dit le messager, alayhi salatu wassalam. في هذا الصدد في صدد التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحب الكرام رضوان الله عليهم يقول السلطان المولى سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى في خطبته الشهيرة التي عنون لها الانتصار للسنة ومحاربة بدع الطوائف الضالة كما جاء في معجم المطبوعات المغربية لإدريس بن الماحي القيطوني رحمه الله. قال السلطان رحمه الله: فالعاقل من اقتدى بآبائه المهتدين وأهل الصلاح والدين خير القرن قرني كما جاء في الحديث. وبالضرورة أنه لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، فقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد الدين قد سجل ووعد الله بإكماله قد عجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الجادة، فلا تميلوا بالناس يمينا ولا شمالا. انتهى كلام السلطان، المراد من كلام السلطان المولى سليمان رحمه الله تعالى. وإمام دار الهجرة قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. De ce sens-là, dans le sens de se cramponner au livre et à la sunna et de suivre les pieux prédicteurs d'Allah alayhim, le sultan du Maroc, le Mawla Suleyman, rahimahullah, de cette dynastie alawite, Mawla Suleyman ibn Muhammad ibn Abdillah, dont sa khutba célèbre, dont le titre est « Faire triompher la sunna et combattre les innovateurs et les groupes déviants », il a été rapporté, ce titre a été rapporté dans le recueil de tout ce qui a été édité des hommes de science marocains et des littéraires marocains de Idriss ibn al-Mahi al-Qaytouni rahimahullah. Le sultan a dit dans cette khutba, dans une partie de sa khutba, le doué d'oraison, c'est celui qui suit ses ancêtres guidés, c'est-à-dire qui suit ses ancêtres guidés parmi les gens de la religion et parmi les gens du bien. Il a cité le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, la meilleure génération est la mienne. Donc il fait allusion à quoi? À la voix du noble compagnon d'Allah alayhim. Doufis, il dit rahmatullah alayhi, la fin de cette communauté ne ramènera pas une voie mieux que celle empruntée par les gens de cette communauté. Le messager alayhi salatu wassalam est mort après que la religion était parachevée et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a accompli, en citant le verset dans la traduction approximative du sens du verset dit ceci: aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai agréé l'islam comme religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et je vous ai agréé l'islam comme religion. Omar radiallahu anhu a dit, alors qu'il est sur le minbar du messager alayhi salam, en présence de beaucoup de compagnons: ô gens, il vous a été instauré des sunan et légiféré des obligations et vous a été légué une voie sûre et droite, ne faites pas pencher les gens à droite ou à gauche. Ici s'arrête la citation, et ceci correspond aussi à ce que disait l'imam Malik rahimahullah, imam Dar al-Hijra, qui a dit: la fin de cette communauté ne sera réformée dans le bien que par le biais de la voie qui a réformé le début de cette communauté. Wa na'ti ila al-asli al-thani. وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاه الأمر. ومن منهج من أعظم أصول هذا المنهج منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم يلزمون الجماعة ويحفظون حقوق ولاه الأمر، وأهمها وأخطرها السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء رحمهم الله أن هذه الآية دليل على وجوب السمع والطاعة ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Et donc, nous passons au deuxième fondement parmi les fondements de la voie salafie ou de la voie de l'unité, c'est le fait de rester dans l'unité et d'écouter obéir Aoulat al-Amr, qui sont les hommes de science et qui sont les gouverneurs et leurs représentants. Donc il fait partie, c'est un fondement, c'est un grand fondement et d'un des fondements les très importants après l'accomplissement du monothéisme et du suivi, c'est le fait de rester constamment dans l'obéissance aux gouverneurs et aux hommes de science et aux représentants des gouverneurs, et de rester dans l'unité, et aussi préserver les droits des gouverneurs et des hommes de science, tant qu'ils ordonnent pas le fait de désobéir à Allah. Le verset, il est clair, dans la traduction approximative, il nous dit ceci: ou vous qui avez cru, obéissez à Allah, et obéissez à son messager, et aux gouverneurs, à Oulat al-Amr, qui sont les gouverneurs et les hommes de science, jusqu'à la fin du verset. Les hommes de science disent que ce verset est une preuve claire dans l'obligation d'écouter et d'obéir aux gouverneurs et aux savants tant qu'ils n'ordonnent pas des choses qui sont en divergence avec l'obéissance à Allah et l'obéissance à son messager, alayhi salatu wassalam. L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté le hadith d'Abdullah ibn Umar, qui le rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit: l'écoute du gouverneur, le fait d'écouter le gouverneur, l'écoute et l'obéissance, c'est une vérité. Tant qu'on lui ordonne, on lui ordonne pas de désobéissance. Et si on lui ordonne la désobéissance, là, pas d'écoute et pas d'obéissance. Mais l'écoute et l'obéissance au gouverneur, c'est une vérité, fait partie de cette religion, par la voix du messager alayhi salatu wassalam. Wa addama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amra ta'ati wali al-amr, fa ja'ala sabil as-salamati min du'atin ala abwab jahannam huwa luzum jama'ati al-muslimin wa imamihim. An Busr ibn Ubaydillah al-Hadrami قال: حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قلت قال فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. خرجه الإمام البخاري رحمه الله. ولك أن تتأمل أخ الإسلام صفة دعاة الضلال، وتأمل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتل هؤلاء بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. لماذا؟ لأنه سبيل النجاة من فتنة هؤلاء، سبيل النجاة من فتنة دعاة الضلال ها ولزوم جماعة المسلمين. فالنجاة ليست في تكفير ولاة أمور المسلمين، ولا في الكلام في أعراضهم، ولا في الخروج عليهم، ولا في شحن قلوب الناس على ولاة أمورهم أبدا. إنما النجاة فيما وجه إليه رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. Et donc le messager d'Allah a donné une grande importance à l'obéissance au gouverneur, à l'obéissance à l'autorité. Et l'on a fait un moyen pour se protéger des prêcheurs vers l'enfer. Et ceci dans le fait de rester dans l'unité, gouverné par un gouverneur, et de ne pas en sortir. Bous ibn Abdillah Al-Hadrami a dit que, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, que Abu Idris al-Khawlani lui a dit qu'il a entendu de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il a entendu dire les gens questionnaient le messager d'Allah sur le bien et je le questionnais sur le mal par peur d'y tomber. Et j'ai dit ô messager d'Allah, nous étions dans l'ignorance et dans le mal. Allah nous a ramené ce bien. Est-ce qu'après ce bien, il va y avoir un mal? Il a dit, alayhi salatu salam, oui. Et j'ai dit, est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Il a dit, alayhi salatu salam, oui, mais avec des lacunes. J'ai dit, c'est quoi ces lacunes, ya Rasulallah? Il a dit, alayhi salatu salam, des gens qui prennent et qui orientent par des voies et vers des voies qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas les miennes. Tu reconnaîtras chez eux, c'est-à-dire tu reconnaîtras certains actes de la sunna. Tu reconnaîtras d'eux certaines choses et tu rejetteras d'autres choses, tu ne peux pas les reconnaître parce qu'ils ne font pas partie de la sunna. J'ai dit, et après ce bien, y aura-t-il un mal? Et il a dit, alayhi salatu salam, oui, des prêcheurs sur les portes de l'enfer, celui qui leur répond, les jette. Allez, celui qui répond à leur da'wa, ils vont le jeter en enfer. J'ai dit, Hudayfa a dit, j'ai dit, décris-les, nous, ya Rasulallah. Et il a dit, alayhi salatu salam, ils sont de notre race. Ils parlent nos langues. Il a dit nos langues au pluriel parce que différentes langues, hein, les deux prononciants et autres chez, dans la langue arabe. J'ai dit, qu'est-ce que tu m'ordonnes si je vais à cette époque? Il a dit, tu restes dans l'unité gouvernée par un gouverneur. C'est quoi la solution? C'est quoi le salut? Comment être sauvé dans ces cas-là? Il a dit, alayhi salatu wassalam, tu restes dans l'unité gouvernée par un gouverneur. Et j'ai dit, ici ils n'ont pas d'unité ni de gouverneur. Il a dit, alayhi salatu wassalam, éloigne-toi de tous ces groupes. Éloigne-toi de tous ces groupes. Même en mordant, restant seul, en mordant sur la base d'un arbre jusqu'à la fin de ta vie. Maintenant, médite la description des prêcheurs de l'égarement. Et médite la da'wa qu'a fait le messager alayhi salatu wassalam aux musulmans. Contre cela, ils vont apparaître. Regarde la da'wa du prophète alayhi salam. Restez dans l'unité gouvernée par un gouverneur. Pourquoi? Car c'est le moyen pour être sauvé. Parce que c'est le seul moyen pour être sauvé de la fitna de ces prêcheurs. Le salut n'est pas dans le fait de rendre mécréants les gouverneurs. Le salut n'est pas dans le fait de parler au mal sur les gouverneurs. Le salut n'est pas dans le fait d'exciter les gens à se révolter contre leur gouverneur. Hein? Et de remplir de haine leur cœur contre leur gouverneur. Le salut n'est pas là, abeden. Ceci, c'est le chemin de l'anarchie. C'est le chemin de la zizanie. C'est le chemin qui nous amène directement quoi? Vers l'insécurité. Et les exemples devant nous sont nombreux. Wa laqad azzama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sam'a wa ta'ata lil amir faj'alaha sababan li dukhul al janna. Ja 'inda al Bukhari min hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. تأمل رعاك الله كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طاعة الأمير وطاعته وبين معصية الأمير ومعصيته عليه الصلاة والسلام، وكيف قرن عليه الصلاة والسلام بين طاعته ودخول الجنة وبين معصيته وإباء دخول الجنة. والنتيجة أن من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الأمير فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبى دخول الجنة. Et le message d'Allah a donné une grande importance au fait d'écouter et d'obéir au gouverneur et à ceux qui ont le pouvoir. Il en a fait un moyen pour rentrer au paradis. Comme il est rapporté chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah a dit, toute ma communauté rentrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. Ils ont dit, ô messager d'Allah, qui le refusera? Qui refuse de rentrer au paradis? Il a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui m'oublie, rentrera au paradis. Et celui qui me désoublie, il l'a refusé. Et voici un deuxième hadith d'Abu Huraira chez l'imam Bukhari, rahimahullah. Où le messager, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui m'oublie a oublié à Allah. Et celui qui me désoublie a désoublié à Allah. Et celui qui oublie à mon émir, il m'a oublié. Et celui qui désoublie à mon émir, il m'a désoublié. Maintenant, barakallahu fik, médite. Qu'Allah te protège des fitnes. Comment le messager d'Allah a réuni entre l'obéissance à l'émir et son obéissance? Et entre la désobéissance à l'émir et sa désobéissance? Et comment, alayhi salatu wassalam, a réuni entre son obéissance, il entrait au paradis. Et sa désobéissance, il refuse de rentrer au paradis. Le résultat, celui qui obéit à l'émir a obéi au messager alayhi salatu wassalam. Et celui qui obéit au messager alayhi salatu wassalam rentrera au paradis. Et celui qui désobéit à l'émir, il a désobéi au messager. Et celui qui a désobéi au messager a refusé l'entrée au paradis. Hein? Tout en sachant que l'obéissance à l'émir, il est dans l'obéissance à Allah. En dehors de ça, hein, il ne se fait pas dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Bel, ja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tarka bay'ati l'amir, wal khuruj an ta'atihi, خروجا عن جماعة المسلمين وهو بوابة للخروج من الدين عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية رضي الله عنه مجمعين فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال عبد الله بن عمر إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه الإمام مسلم فلزوم الجماعة أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة وقد روي عن تميم الداري قال تطاول الناس في البناء في زمن عمر فقال عمر رضي الله عنه يا معشر العرب الأرض الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم رواه الدارمي رحمه الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح جناته donc mais dites frère en Allah subhanahu wa ta'ala le fait de ne pas faire l'allégeance au gouverneur ou de rompre l'allégeance de son gouverneur et aussi médite le fait de désobéir au gouverneur, le messager alayhi salatu salam le considère comme le fait de quitter l'unité des musulmans. Et le fait de quitter l'unité des musulmans et de sortir de cette unité, gouvernée par le gouverneur, c'est une porte pour sortir de l'islam. L'imam muslim rahimahullah rapporte le hadith d'Abdullah ibn Omar, à l'époque où il y a eu certains insurgés, ce qu'on appelle la bataille d'Al-Harra, certains insurgés contre Yazid ibn Muawiya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréé les nobles compagnons, radhiyallahu alayhim. Et donc, Abdullah ibn Omar est allé voir Abdullah ibn Muti' parce qu'il était l'émir et le chef de ces insurgés. Et quand Abdullah ibn Muti' a vu Abdullah ibn Omar arriver, il a dit, parce qu'il a cru qu'il est venu pour le renforcer, il a dit, étalez à Aba Abdirrahman un coussin ou un tapis. Mettez-le à l'aise. Hein? Abdullah ibn Omar l'a regardé et lui a dit, tout en restant debout, je ne suis pas venu pour s'asseoir. Je ne suis pas venu pour s'asseoir. Je suis venu pour t'annoncer un hadith que j'ai entendu du messager alayhi salatu wassalam. Je l'ai entendu dire, celui qui rompt l'allégeance et sort de l'obéissance rencontrera Allah le jour de la résurrection sans aucune preuve. Il n'aura aucune preuve pour lui. Et celui qui meurt en n'ayant pas d'allégeance meurt la mort des gens de la Jahiliya. La mort des gens de la Jahiliya, parce que ceux de l'époque de la Jahiliya ne voyaient pas d'obéissance à qui que ce soit. Ils vivaient dans l'anarchie, libre, tout un chacun est libre. C'est pour ça qu'il a dit, alayhi salatu salam, celui-là qui rompt et qui n'a pas d'allégeance à son gouverneur et qui meurt dans cet état-là, il mourra une mort des gens de la Jahiliya. Le hadith, il est rapporté par Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Et donc, partant de là, être cramponné à l'unité et au groupe, à l'unité et à la sunna, et être cramponné à la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim est un grand fondement parmi les fondements d'Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Et donc être dans l'unité des gens de la Sunna et dans l'obéissance au gouverneur fait partie des grands fondements des gens de la Sunna. Il a été rapporté par Tamim Dari, rahimahullah, dans ce que rapporte Dari, rahimahullah. Tamim Dari a dit, les gens ont élevé les constructions à l'époque de la khilafa de Omar ibn Khattab, c'est-à-dire ils sont plus restés au niveau du rez-de-chaussée. Ils ont élevé les constructions. Et Omar ibn Khattab leur a fait une exhortation. Hein? Et il a dit, ô Arabes, le sol. N'élevez pas les constructions. Restez au niveau du sol. Hein? Et il a dit, radiyallahu anhu arda, il n'y a pas d'islam sans unité. Et pas d'unité sans gouverneur. Et pas de gouverneur sans obéissance. Celui que son peuple a choisi comme gouverneur de par sa science, il sera une vie pour eux et pour lui. Et celui que son peuple a choisi comme gouverneur alors qu'il n'a pas la science, il sera la cause de sa perte et la leur. Rapporté par Darim rahimahullah ta'ala. Wa qala al-ulama rahimahumullah ta'ala قد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والتقدم عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد وذكر ابن رجب رحمه الله قول الإمام الحسن البصري رحمه الله قال والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون هذا جاء في جامع العلوم والحكم. Et donc, les hommes de science disent que parmi les choses qui rentrent dans la religion d'office, il n'y a pas de religion sans unité. Il n'y aura pas d'unité sans gouverneur. Il n'y aura pas de gouverneur sans obéissance. Et le fait de désobéir au gouverneur et d'essayer de se substituer à lui est l'une des grandes causes du mal dans les pays pour les gens aussi. Et c'est dévier de la voie des dînes et de la voie du bien. Ibn Rajab rahimahullah a cité dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, qui est un gros volume dans l'explication des 40 hadiths où il en a rajouté d'autres jusqu'à 50 hadiths, il a cité la parole de Hassan al-Basri rahimahullah. Hassan al-Basri a dit, par Allah, la religion ne sera redressée et droite qu'avec les gouverneurs. Ne sera redressée dans la droiture qu'avec les gouverneurs. Même s'ils commettent des injustices, même s'ils dépassent leurs limites, par Allah, le bien qu'Allah fait par leur biais est plus grand que le mal qu'ils font. Wa ta'ammar ra'aka Allah, qawla sultan, المولى سليمان العلوي في خطبته الشهيرة أيها الناس شرح الله لقبول النصيحة صدوركم وأصلح بعنايته أموركم واستعمل فيما يرضيه آمركم ومأموركم فإن الله قد استرعانا جماعتكم وأوجب لنا طاعتكم وحذرنا إضاعتكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سيما فيما أمر الله به ورسوله أهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة المحمدية انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. Et médite qu'Allah subhanahu wa ta'ala te couvre de sa sainte miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve. La parole du sultan Alaoui de Suleyman dans sa khutba célèbre, il a dit dans cette khutba, parmi les choses qu'il a dit aux gens, qu'Allah ouvre vos poitrines pour accepter le conseil et qu'il réforme en bien vos situations et qu'il utilise dans ce qu'il a et l'aime et l'agré votre gouverneur et ceux qu'il gouverne. Allah nous a donné la responsabilité de votre unité. Il vous a instauré l'obligation de nous obéir. Il nous a averti contre le fait de vous négliger. Il cita le verset, rahimahullah ta'ala, dont la traduction approximative dit ceci: « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et aux gouverneurs. » Et il dit surtout, dans tout ce qu'Allah et son messager ont ordonné, ou qu'il soit illicite par le livre et la sunna et le consensus de la communauté de Muhammad alayhi salam. Ici s'arrête la citation voulue dans ce dans cette risala et dans cette khutba, rahimahullah ta'ala. فهذا أصل عظيم أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلكون ما يؤدي إلى تفريق الجماعة ومن قلوب الناس على ولاة الأمر فلا يذكرونهم بالسوء على المنابر أو في المحاضرات أو في الجلسات أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحف والمجلات وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وهو الثابت عن السلف الصالح لهذه الأمة فهذا أسامة بن زيد قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه والحديث عند البخاري ومسلم واللفظ هنا للإمام البخاري تأمل قوله رضي الله عنه لا أحب أن أكون أول من فتحه وهذا يدلك على أن السنة عند الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان نصيحة ولاة الأمر في السر وليس في العلن. Et donc, ceci est un grand fondement parmi les fondements des gens de la sunna, c'est qu'ils ne prennent pas les voies qui mènent vers la division de l'unité et ils n'excitent pas les gens contre leur gouverneur en remplissant leur cœur de haine contre eux. Jamais ils parlent au mal des gouverneurs sur le manbar ou dans les assemblées ou dans leurs conférences ou dans les moyens de communication ou dans les magazines ou les journaux ou dans leurs livres qu'ils écrivent. Agir ainsi comme le font les gens de la sunna éprouvé par le livre et la sunna et confirmé dans la voix des pieux prédisseurs d'Allah alayhim, la voix des prédisseurs de cette communauté. Oussama ibn Zayd, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, et ici la version citée c'est celle de l'imam Bukhari, on lui dit, va voir, à l'époque de la khilafa de Uthman, va voir Uthman et parle-lui. Et il leur a dit, vous croyez que si je vous l'ai pas fait, je vous l'ai pas fait entendre, que je ne lui ai pas parlé. Par Allah, je lui ai parlé, entre moi et lui, sans que j'ouvre une situation ou une porte que je n'aimerais pas être le premier à ouvrir. L'expression ici, donc, comme j'ai dit, c'est celle de l'imam Bukhari. Méditez maintenant la parole de Oussama ibn Zayd. Je n'aimerais pas être le premier à ouvrir cette porte. Hein? Cela prouve que la sunna, chez les nobles compagnons d'Allah alayhim, et ceux qui les suivent à la perfection, que le conseil au gouverneur se prodigue en secret, en tête à tête, entre la personne et le gouverneur. وهذا عبد الله بن أبي أوفى فقد أخرج أحمد في مسنده قال حدثنا أبو النضر حدثنا الحجرج بن نباتة العبسي حدثنا سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى في البصرة فسلمت عليه قال لي من أنت فقلت أنا سعيد بن جمهان قال ما فعل والدك قلت قتلته الأزارقة فرقة من فرق الخوارج قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال بل الخوارج كلها قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. ذكره ابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك. فهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وهو الذي أشار إليه الإمام مالك رحمه الله، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. رحم الله الإمام مالك رحمة واسعة. إيه السي عبد الله بن أبي أوفى dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmed, le hadith d'Abdullah ibn Abi Awfa, qui a dit que Abu Nasr nous a annoncé que le Hajraj ibn Tabat al-Absi leur a annoncé que Saïd ibn Jamhan a dit: j'étais voir Abdullah ibn Abi Awfa al-Basra, je l'ai salué et il m'a dit: qui tu es? Je lui dis: je suis Saïd ibn Jamhan. Il m'a dit: qu'est-ce qui est arrivé à ton père? Qu'est-ce qui est arrivé à ton père? Je lui dis: l'Azariqa l'ont tué. Azariqa, c'est une tendance parmi les tendances de l'Khawarij, comme il y a eu l'Ibadiyya et d'autres. Donc l'Azariqa font partie aussi des sectes de l'Khawarij. Je lui dis: l'Azariqa l'ont tué. Il a dit: qu'Allah maudisse l'Azariqa. Qu'Allah maudisse l'Azariqa, il l'a dit deux fois. Le messager d'Allah nous a annoncé que ce sont les chiens de l'enfer. J'ai dit: l'Azariqa, seul ou tout Khawarij, concernant qui sont les chiens de l'enfer. Et Abdullah ibn Abi Awfa, il a dit: tous les Khawarij, toutes les tendances des Khawarij. J'ai dit à Saïd ibn Jamhan, lui dit: le sultan est injuste avec les gens. Il leur fait des choses. Il a pris ma main, il l'a pincé avec sa main fortement. Et il a dit: malheur à toi, ibn Jamhan, reste avec Sawad al-A'dam, reste avec le Jama'a, dire l'unité qui est gouvernée par un gouverneur. Reste avec eux. Et il a répété cela deux fois. Alayka bil jama'a. Si le sultan t'écoute, va le voir chez lui et annonce-lui ce que tu sais. S'il accepte toi, c'est bon. Sinon, laisse-le. Tu ne sais pas plus que lui. Tu ne sais pas plus que lui. Ceci est cité aussi par Ibn Abi Asim dans Sunna et par le Hakim dans le Mustadrak. Ça, frère Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voie sur laquelle étaient les pieux prédécesseurs de Ridwanullah alayhim. Et c'est la voie qu'avait emprunté sur laquelle était l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et c'est la voie vers laquelle appelait l'imam Malik rahimahullah ta'ala et tous les grands imams de cette communauté. Ils orientaient la communauté, vers cette voie-là. Et c'est clair dans les paroles de l'imam Malik rahimahullah: ne réformera en bien la fin de cette communauté que ce qui a réformé en bien le début de cette communauté. Et nous allons arrêter là, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum, jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.